La poupée monstre. Inès avait une nouvelle poupée. Oh, joie ! Une poupée toute neuve, avec deux perles pour regarder Inès, deux bras pour les lui tendre nuit et jour, une bouche riante et silencieuse pour ne la contredire jamais. Le premier jour, ce fut entre elles un commerce doux et paisible. On n'entendait que le murmure des baisers d'Inès sur les joues écarlates de sa fille. Elle avait déclaré qu'elle voulait être sa mère. Le lendemain, Inès prit une voix grave et sévère. Elle paraissait mécontente de son idole et sur un certain bruit d'une petite main qui frappe un corps dur, accompagné de ces mots « Allez, allez, allez !» la maman d'Inès se montra. Il n'y avait pas à en douter, la poupée avait été fouettée. Sa belle robe rose, en désordre, l'attestait dans le coin sombre où elle était en pénitence. « Qu'a-t-elle fait pour te changer ainsi ?»« Maman, » dit Inès exaltée, « elle est boudeuse, entêtée. » « Oh, maman, c'est un monstre. Je lui donne tout ce que j'ai, eh bien... »« Eh bien, » dit sa mère, « qu'exiges-tu de plus que le bonheur de lui donner ? Veux-tu qu'elle ait un cœur et une voix pour te remercier quand c'est toi qui lui dois de la reconnaissance ? Confie-moi ta fille à élever, cher enfant. Je t'apprendrai le métier de mère. Il est difficile. Crois-tu que ce soit parce que tu es parfaite que je ne peux me résoudre à te fouetter ? C'est parce que je t'aime et que je n'exige pas qu'une tête si petite que la tienne comprennent ce que j'ai appris depuis si longtemps. Sois donc pour la poupée ce que je suis pour toi. » La maman d'Inès s'éloigna après l'avoir tendrement embrassée. Inès demeura au milieu de la chambre, jetant de longs regards vers le coin où la disgraciée lui parut triste. Elle s'en approcha de meuble en meuble et lui dit enfin à l'oreille « Viens, je t'aime encore. Je n'exige pas qu'une tête si petite que la tienne comprenne ce que j'ai appris depuis si longtemps. » Pour tes enfants, chaque parole nouvelle porte un bon ou un mauvais enseignement.